toujours dit, la vie a c'est une boule. Qu'a brûlé, au pas jamais connaît, côté la mêlée haut. Jeune fille, allez qu'il est, y'on pas réfléchi, pour y'on la vie c'est plaisir. Habillé, monté le lundi. C'est danser, c'est d'amour, c'est bloguer, flâner toute la sainte journée. Vraiment l'autant dit, tita, triste, nous mettre en plaisir, nous, mais bon, pas oublier demain. Yo con un maíz, macuchu, sur como la caque me costó.